m'as changé mon micro. Tu m'as changé mon micro. Je t'ai changé ton micro. Il est mieux, il est mieux. Il est mieux, il est mieux. Il est mieux, il est mieux. Il est mieux, il est mieux. Il est mieux. Salsa, ahí va. C'était génial, on en veut encore, mais j'étais en train de s'expliquer des trucs, comment ça marche, qui on est, comment on s'aime, tout ça. Vous parlez tous français ou pas? Bah, t'il, ouais. Et psy, do you speak French? Ah, ok. So, nice to meet you. I am Océane, I am French. And she's gonna be on InJam real soon. And from where are you, Psy? What is your name? Ah, okay, cool. Yeah, man! I don't know how to say hello in Ukrainian. You want to sing also? Love will prevail. Il est moche. D'accord, celui-là était très très moche. I'm sorry, keep on, vas-y, Till, tu t'envoies le pâté, tu nous fais rêver là. Il me faut un beat. C'est bon, c'est bon. C'est ma faute. You are guilty. You are guilty. Peter, you are guilty. Guilty and guilty of the choice. Comment je vais faire moi? Comment je vais faire? Ah, l'affaire pour toi. Désespéré, désespérant mec, faut t'emmener. Ambulant, ambulant, ambulance, pim pom pim pom pim pim pim pim. Ambulance t'es, rien à faire. Comment qu'on va faire toi? Allez à la bière, au joint, au doigt, au joint, au doigt, au bois. Ah ah ah ah. Comment qu'on va faire avec toi? De toi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 ambulant, ambulant, ambulant, ambulance pimpon, j'ai mal à ma panse, j'ai mal, je transe, je transpire, j'ai mal je dérouline de rage, de pleurs de suffocant, oh non j'ai mal à ma vie, je bois de la bière je roule sous le tapis, aïe aïe tu peux pas comprendre, va voir ta ma vie. Je bois de la bière, roule va sur voir le tapis, va voir psy, va voir ma mère, elle roule sur le tapis, elle roule sur la bière, la bière. Elle roule sur le mamie, la bière, oh je roule sur le tapis, je roule ma bière, elle roule sur le tapis, tant pis, c'est pas la dernière. Rien à faire, rien à faire. Pierre, Pierre. Elle est où la pierre? Il est où le fou? Elle est où la pierre? Pierre, elle est où la pierre? Pierre, elle est fils, celui qui tient debout, celui qui tient debout, droit sur son fils, sur lui, sur son père, sur le futur, le descendement du futur, le désintègrement, c'est dur. 1, 2, ambulant, 1, 2, 3, et Pierre. Elle est où la pierre en toi? C'est lui la bière, un doigt. Tu veux pas une bière d'abord? Ah ah ah. Alors ça fait quoi? D'exposer sa non-sobriété. Ça fait quoi? Et là pourquoi tu veux prendre une gorgée? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi en toi? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pierre, reviens. Ça va changer, tu vas comprendre, arrête de parler. Le gens avec qui je fais ça précisément. Over, on le fait tous les jours parce qu'il est trop fort et qu'il est dans la secte. Mais j'ai un groupe de... énorme. T'es le plus fort. Thank you. Gracias, amigos. C'est bon de sentir qu'on peut tout dire. c'est assez fort, je dois dire. Peut-être que c'est le fait qu'on se voit pas aussi, c'est plus simple. On peut se voir, quoi. Là, dans mon truc, là, il y a plein de gens qui se voient, en fait. Ah, ok. J'ai déjà fait les concerts dans le métaverse avec un mec.